Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Un podcast un peu spécial, une nouvelle fois, et cette fois-ci c'est en compagnie de Ghislain. Bonsoir Ghislain. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et donc ce soir, tu vas pouvoir faire ta propre chronique, comme l'avait fait Mister Yo-Yo il y a quelques semaines. Et donc cette chronique, c'est Duel F1. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que Duel F1, Ghislain ? Alors, avant de présenter la chronique, je te remercie déjà de me laisser une petite place dans ton beau petit podcast. Je t'en prie. Voilà. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de causer F1 et puis ça tombe bien, c'est aussi l'objet de ma chronique. Donc le principe, il est simple. Des duels, la Formule 1 a toujours connu, ne serait-ce parce que c'est la nature profonde du sport, de ce sport, hein, c'est-à-dire deux pilotes qui courent pour une même écurie. Ces duels peuvent être aussi intéressants parce que on peut avoir aussi deux pilotes de haut niveau qui s'affrontent au volant de monoplaces différentes. Hein, ça peut être le cas également. Les enjeux sont évidemment un peu plus complexes parce qu'il y a aussi la monoplace à prendre en compte. Mais ces duels peuvent aussi mener à la catastrophe parce que des caractères se sont sans doute opposés, il peut y avoir des rivalités, le matériel peut pas toujours bien fonctionner, que ça soit sur une écurie avec deux gros pilotes ou deux écuries ou trois écuries avec un ou deux ou trois pilotes, enfin de mémoire, je crois que c'est pas beaucoup arrivé en Formule 1. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre deux pilotes, de voir ce qu'ils ont fait, d'analyser, de regarder l'ensemble de la saison, de voir les interactions, de savoir ce qui a réellement marqué ce duel. Voilà, c'est ça. J'espère que je l'ai bien expliqué. Parfait, c'est vrai que les duels dans la Formule 1, ça, c'est ce qui a créé... parfois certaines très belles parties de l'histoire de ce sport, et c'est pour ça aussi que je trouve ta chronique on ne peut plus pertinente. Et donc du coup, puisqu'il y aura un duel par chronique, le duel de ce soir, si j'ai bien compris, ce sera Hamilton versus Alonso, c'est bien ça? Donc c'était saison 2007, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, saison 2007, donc Lewis Hamilton opposé à Fernando Alonso. Alors au départ, il devait pas être opposé d'ailleurs. Ah bah oui, c'est sûr. Je vais y revenir. C'est vrai que au départ, il devait pas vraiment y être opposé. Donc effectivement, on parle de McLaren Mercedes. On est en 2007, donc c'est pas très loin évidemment, mais je peux vous dire qu'à l'échelle de la Formule 1, c'est un abysse. Hein. C'est vraiment une abysse. Hein. Déjà, les Formule 1 avaient des formes qui étaient quand même pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. On était sur des V8. Ah d'ailleurs, c'était la première année, hein. C'était l'introduction du V8. D'accord. C'était en 2007, puisqu'on venait juste de finir la passe du V10. Hein. Mais ça, je remettrai ça dans le contexte un peu plus tard dans la chronique. Donc moi il m'a marqué parce que parce que j'aimais beaucoup Alonso à l'époque. Ensuite parce qu'Hamilton moi m'épatait complètement, il m'éblouissait. Je vais le rappeler après, mais rapidement Hamilton il venait juste de débuter quoi. Enfin, il arrive dans une équipe, dans un top team hein, puisque McLaren Mercedes, faut-il le rappeler, malgré des passages à vide était une grande équipe. Ah, je suis toujours un top team historique. Mais c'est vrai que, vu son résultat tristement historique à Melbourne, c'est vrai que l'imparfait était peut-être de mise. Un petit lapsus. Ouais, je suis désolé parce que là, pour le coup, mais on peut pas blâmer Button. Il a au moins mené sa monture jusqu'au bout du Grand Prix, ce qui est déjà un sacré exploit quand tu vois la tête de la monoplace. Donc voilà. D'ailleurs, on vient de m'informer qu'il vient de terminer le Grand Prix de Melbourne. Ça y est, il est rentré au garage. Et du coup, il va pas pouvoir participer au Grand Prix de Malaisie. Non, mais on en rigole, mais c'est un peu triste parce que c'est personnellement, c'est mon équipe de cœur. C'est un top team. Pour parler un peu vulgairement, je suis désolé, ça m'emmerde de les voir à cette place-là. Ah oui, surtout, c'est pour tout grand fan de F1 également, je pense, parce que c'est une écurie emblématique. Donc. Mais ça va revenir plus tard. Ouais, je pense. j'espère. Si Alonso récupère la direction assistée sur sa mauvaise place. Bon, allez, on va arrêter les blagues Parce que honteuses. sinon on n'a pas fini, je crois, avec McLaren, Honda, les pauvres. On est méchants, on est On méchants. est très méchants. Du coup, revenons à cette Ouais, année allez. 2007 où McLaren était quand même sur le devant de la scène pour des bonnes et des mauvaises raisons d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors, je rappelle le contexte très rapidement de la saison dans son ensemble. Tout de suite, on va lever le voile, hein. C'est Kimi Raikkonen qui avait gagné la saison 2007 de Formule 1. Et justement, il était transfuge, lui, de McLaren Mercedes, hein. Donc, il était passé chez Ferrari. Vous allez voir, enfin, il est passé d'ailleurs, enfin, il est passé champion, mais à un point, hein. C'était vraiment rien du tout, quoi. C'était serré jusqu'au bout. Donc, l'histoire est censée bien commencer. On a d'un côté Fernando Alonso qui sort avec Renault de deux saisons extraordinaires, puisqu'il a raflé au nez à la barbe de Ferrari notamment, et surtout de Michael Schumacher, deux titres de champion du monde des pilotes. D'ailleurs, Schumacher quitte la Formule 1 fin de la saison 2006. Évidemment, on a Renault et son bloc moteur, le fameux V10 qui était au sommet de son art, comme l'a été évidemment le V6 Turbo dans les années 80, ou encore le V8 avec Red Bull entre 2010 et 2013. Et d'un autre côté, on a un jeune loup dont les dents, et on le savait depuis le départ, voulaient rayer le parquet. Exceptionnel, môme à plus d'un titre, puisqu'il s'agit de Lewis Hamilton. On a tous en tête, fan de F1 que l'on est, cette anecdote où ce fameux Lewis, à l'âge de 11 ans, alpague Ron Dennis en lui faisant savoir qu'il voudrait rouler avec pour son écurie. Ce que Ron Dennis, du coup, a pris, j'ai l'impression, un peu au sérieux, puisqu'il a décidé carrément de financer sa carrière jusque son accession en Formule 1. Et donc, il a quand même eu un titre de GP2, et donc il accède à la Formule 1 à l'orée donc de la saison 2007. Et d'ailleurs, Donc. pour l'anecdote, à propos du premier contrat d'Hamilton, il a eu son premier contrat lorsque Max Verstappen est né. La même année, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah bah tu vois, je la savais pas celle-là. Et oui, c'est ce qu'il avait révélé lors de la conférence de presse du jeudi du Grand Prix de Melbourne. Alors, Ouais. il y avait Hamilton et Verstappen en conférence de presse, et à un moment, il lui dit ça. Ah Parce qu'il s'est rendu compte oui. qu'il était le plus vieux parmi les six pilotes de la conférence de presse, De la donc conférence, ça lui faisait oui. drôle. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, Lewis Hamilton a 30 ans aujourd'hui. Oui. Ça commence à. Ça commence à. Ça commence à. Ça commence à tourner au niveau de l'âge. Hein. Il se fait. Eh oui. Ici, il y a Alonso qui a 33 ans. Button est un tout petit peu plus vieux. Ah ouais, d'accord. On commence à être un peu vieux, le petit Lewis. Enfin bref. Donc le postulat de départ est ultra simple. À Fernando Alonso, l'expérience, le pilotage, la maturité, donc normalement synonyme de gros points. Encore faut-il que la voiture suive, mais ça c'est une autre histoire. Et à Lewis, la jeunesse, l'apprentissage, et surtout derrière, bah, la relève, quoi. Sauf que, bah, très rapidement, on s'est aperçu que ça ne se passera pas tout à fait comme ça, et que ça ne va pas tout à fait se passer comme dans les livres de compte. Et oui, au lieu d'être synergique, ça a donné lieu à un clash, ces quelques différences. Un clash, je dirais plutôt à plusieurs clashs et à plus d'un titre. En réalité, il se révèle être que Lewis Hamilton a pris très rapidement la mesure et qu'il s'est tout simplement hissé au niveau de son coéquipier. Voilà, c'est aussi simple que ça. On parle quand même de Fernando Alonso qui avait déjà quelques saisons dans les pattes, hein, puisqu'il a intégré la Formule 1, on l'avait dit dans un précédent podcast. J'aime bien faire aussi des retours dans les podcasts comme toi. Je sais que ça, c'est un truc qui te tient à cœur de faire Ah, des c'est retours. vrai, j'aime bien. Donc, du coup, j'ai fait la même chose. Donc, en 2001, j'avais parlé qu'il avait commencé en 2001 avec Minardi. Et donc, du coup, là, on a quand même un Espagnol qui est chaud bouillant, hein, disons-le tout de suite. Moi, je prends toujours l'analogie comme si tu énervais un taureau dans une arène, tu vois. Hein, tu vois, un taureau dans une arène, par exemple, voilà, Le tu sais que ça taureau va. des Asturies, Fernando Exactement. Alonso. Ouais, tu sais que ça va l'énerver, mais à quel point tu peux pas l'imaginer sans avoir reçu le premier coup. Même si t'en as une toute petite idée quand même. Mais Et et donc comme. Alonso, au-delà de ça quand même, c'est depuis 2001, enfin Quasiment, il n'a jamais été dominé par un coéquipier ou même jamais Ah non. approché. Même on a jamais effleuré sa cheville. Et même Ah bah non. après, j'ai envie de dire, après 2007, t'en reparleras peut-être, mais Oui. après 2007, Alonso n'a jamais été inquiété par un de ses coéquipiers. Et pourtant, il en a eu des talentueux. Hein. Pourtant, il en a eu des talentueux. Il en a eu des talentueux, mais je crois que il a ce caractère entier qui me fait penser que, enfin pour moi, il est l'équivalent de Schumacher, mais côté latin. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Alonso qui, en gros, faisait un peu comme Schumacher à une certaine époque, bah justement avant cette époque où il dominait la Formule 1, donc entre 2000 et 2004. Où voilà, c'était lui et son équipe se construisait autour de lui. Chez Renault, c'était ça. Hein. Chez Renault, on voyait bien la différence de performance qu'il pouvait y avoir entre un Fernando Alonso et alors à l'époque c'était Giancarlo Ouais, Fisichella. physique alors. Il y avait Trulli et il y avait Fisichella après. Donc voilà, c'était autour de lui. Après 2007, ça s'est aussi également vérifié lorsqu'il est passé chez Ferrari, hein, parce que bon, les 2 années chez Renault, je les mets un peu entre parenthèses, même si effectivement il était patron aussi dans son équipe. Et là, de toute façon, quand il arrive chez McLaren Mercedes en 2007, on est d'accord que ça doit être le numéro 1. Ah bah De oui. toute façon, même en termes logiques, il n'y a même pas à sourciller 2 minutes. On a Alonso qui a quelques années et qui a déjà deux championnats du monde dans les pattes, en tant que donc qui est champion 2 fois. Et on a Lewis Hamilton qui est là pour apprendre. Donc mon petit, tu apprends et ensuite on verra. Eh ben non, Sauf ça s'est que, pas eh ben non. passé comme ça. Énorme Hamilton, énorme ce qu'il a fait. Ah c'est énorme. Je pense que dans l'histoire de la Formule 1, outre les jeunes qui sont arrivés, je pense notamment à Vettel, même si Vettel était impressionnant dans la maîtrise et dans le, c'est un Allemand, hein, c'est rigueur, c'est droit, ça file, et puis voilà, je caricature un peu, mais c'est un peu ça pour moi. Et là, on a Lewis Hamilton qui lui, il a rien à perdre. Enfin, je veux dire, c'est un jeune, il a juste envie d'une chose, c'est de courir. On lui donne le choix de courir dans un top team. Bah, il va y aller, quoi. Il va foncer dans le tas. Et effectivement, il a rencontré sur sa route le fameux taureau des Asturies. Je sais pas si on l'appelait comme ça d'ailleurs à l'époque en 2007. Je Je sais sais plus. pas si c'est vraiment son surnom. Mais en tout cas, ouais, Hamilton, comme tu le disais, je me demande si dans l'histoire, il y a eu un pilote qui arrive dans un team compétitif pour la première saison de sa carrière et qui en plus arrive à être à ce niveau de performance. C'est vrai que c'est assez rare, c'est vrai. J'ai bien C'est le assez noté. rare, c'est assez rare, voire même, j'ai presque envie de te dire, exceptionnel. Je me demande si c'est pas le seul qui aurait réussi le meilleur départ depuis que la Formule 1 existe. Il y a maintenant, alors on est en 2015, ça fait 65 ans que la Formule 1 existe, puisque le championnat du monde a débuté en 1950. Donc là, on a Lewis Hamilton qui a quand même presque dominé la moitié de saison, quoi. C'est-à-dire qu'il était en tête moitié de saison. Peut-être qu'il serait même à 3 titres de champion du monde au moment-là, quoi. On ne sait pas. Il aurait pu, je l'ai dit en préambule, Raikkonen a coiffé au poteau Alonso et. Alors attends, il y avait Alonso, Massa et donc Hamilton avec un seul point. C'est dire, quoi. Un seul point, c'est rien du tout. Hein. C'est vrai. Voilà. C'était Alonso Hamilton à égalité et Massa il était un peu plus derrière. Ah, il était un peu plus derrière. Oui, non, c'est en 2008 que Massa a perdu à un point justement d'Hamilton. Ouais. Donc je confonds toujours un peu avec 2008. Donc voilà. Donc le déroulé de la saison est entre guillemets plutôt simple. C'est une bataille entre deux écuries, ce qui change d'aujourd'hui, hein, ceci dit, à savoir Ferrari et McLaren Mercedes. Donc McLaren très rapide en intersaison, des essais très rapides, pareil. Pour Ferrari, deux paires de pilotes, Kimi Raikkonen et Felipe Massa d'un côté, puisque je l'ai dit tout à l'heure, Schumacher a décidé de se mettre au vert après la saison 2006. Et de l'autre, donc Fernando Alonso, tout frais, double champion du monde, et Lewis Hamilton, petit protégé de Randy Nice, donc est tout nouveau dans le F1 Circus. Alors, pour poser les postulats de base de la saison 2007 de Formule 1, il y a 17 Grands Prix, dont la moitié se passait quand même en Europe. Ça, il faut le signaler, parce que je sais que je l'ai entendu dans la dernière émission du SAV de la F1, et je crois que tout le monde est triste aujourd'hui de savoir qu'en 2015, on ne va même pas avoir de Grand Prix d'Allemagne. Pour toutes Oui, les c'est vrai. raisons, c'est triste parce que la F1, c'est l'Europe, c'est pas la Corée du Sud. Mais ça Et reviendra, le Grand Prix d'Allemagne. C'est que temporaire, c'est parce que cette année, il y a eu j'espère. un concours de circonstances Ah défavorables. Je pense que oui. j'en parlerai dans le podcast de la semaine prochaine, je pense, peut-être. Ouais, Ouais, sûrement même. j'espère parce que J'en je consacrerai veux une bien connaître. chronique. Je voudrais bien avoir ton avis là-dessus parce que c'est moi, enfin moi personnellement ça me tient à cœur le. J'ai jamais compris, c'est enfin si évidemment c'est pour des questions d'argent. Oui. Donc la moitié en fait se passait en Europe, donc berceau historique de la F1 avec pas moins quand même de 8 grands prix sur 17. Alors je dirais même 9 si on compte la Turquie parce qu'en fait il y a eu la Turquie avec Istanbul, donc on peut dire 9. Donc plus de la moitié. Je note également qu'à l'époque on avait encore notre grand prix, et on avait encore le Grand Prix de France à Mais c'est Manicourt. vrai, oui. Et oui, c'est vrai, ça il faut quand même le souligner. Très rapidement, juste pour survoler la saison, Lewis Hamilton n'attendra que son sixième Grand Prix, six Grands Prix pour gagner son premier, pour gagner sa première course. Donc c'était au Canada, sur le circuit de Gilles Villeneuve. Et c'était également sa première pole position de sa carrière, et il a détrôné en fait en même temps Rubens Barrichello, d'ailleurs, qui avait été le recordman de celui qui avait décroché sa première pole position sur sa première saison en tant que rookie, donc Barrichello c'était en 93. On peut noter également que c'est donc du coup le beau transfuge qui avait du talent à l'époque, même si aujourd'hui je crois qu'il est un peu émoussé, monsieur. On avait également le transfuge McLaren-Ferrari, Kimi Raikkonen, qui gagne le premier Grand Prix à Melbourne, sur le circuit de Melbourne. Et on peut également noter dans les faits marquants de la saison, je m'arrêterai là. Au Grand Prix de Grande-Bretagne, on avait 4 pilotes, tu imagines, hein, 4 pilotes, donc c'est le 9e course de la saison, 4 pilotes qui se partagent le haut du tableau. Massa avait gagné à Bahreïn et en Espagne, Raikkonen avait gagné en Australie et en France, Hamilton au Canada et aux USA, et Alonso enfin en Malaisie et à Monaco. Donc en fait, D'accord. on avait déjà sur les 3 premiers Grands Prix, 3 pilotes différents à la première place, et on avait je crois qu'on avait une quasi-égalité sur. Au niveau des points et surtout au niveau du nombre de courses. Voilà. Et c'est vrai que quand tu cites ces quatre pilotes, c'est... Enfin, à l'époque, quand on remet dans le contexte, maintenant on Oui. enlèverait Massa, mais Oui. quand tu cites les quatre pilotes, là, Massa, Alonso, Raikkonen, Hamilton, ces quatre pilotes de gros de calibre, c'est ces quatre pilotes numéro un, quoi. Oui. Et c'est aussi ça, enfin, chez Ferrari, ça s'est bien passé, la cohabitation Raikkonen-Massa, mais Oui, parce que chez McLaren, Hamilton, Alonso, c'est vrai que ça a créé pas mal de discussions, de débats, d'énervement et tout. Tout à fait, mais je dirais que on n'est pas du tout sur le même style d'écurie, et c'est pour ça d'ailleurs que bah, il y a peut-être aussi le fait qu'Alonso, je vais l'expliquer après, voilà, Alonso est quand même dans un, et c'est ça qu'il faut retenir, dans un top team britannique. Là où effectivement Ferrari a toujours accepté. Je dirais des pilotes de dimension un peu moins fermées, hein. C'est-à-dire que voilà, Massa est quand même brésilien, Raikkonen, il est quoi, finlandais? Oui, il est finlandais, Finlandais, oui, c'est Raikkonen. ça. Je croyais qu'il était suédois, mais non, c'est Zlatan. Il fait pas de C'est pour Formule 1, nous. Zlatan, encore. Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est en plus un autre sport, je sais pas pourquoi je pensais à lui. Et donc, Raikkonen est finlandais. Donc voilà, ça c'est les bases de la saison, à peu près pour resituer. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ah, je te propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous passer une petite pause musicale. Bah, t'as bien raison. Et donc, je vous propose d'écouter le titre Racing par Iversen. À tout de suite. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans Analyse F1, Ghislain et moi, pour vous parler du duel fracassant entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso en 2007. Et du coup, tu voulais rentrer dans le vif du sujet, Ghislain. Tu Ouais. as mis en haleine tout l'auditoire L'auditoire. d'Analyse F1, qui est énorme, hein, je vous le rappelle, hein, énorme. Hein, bref, que vous soyez énorme ou pas, en tout cas, merci à vous d'écouter l'émission, ça me fait très plaisir. À toi la Non mais parole, Ghislain. tu rigoles, je fais juste un aparté, tu rigoles, mais t'es quand même assez souvent dans les 5 premiers dans PodCloud, donc c'est que j'imagine que tu dois quand même avoir pas mal de petits auditeurs. C'est Faut vrai, quand même le rappeler. ça va, Voilà. Hein. ça va, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet, parce que on a des hommes, mais on a aussi des machines. On va juste s'intéresser 2 petites secondes à la voiture, puisque la voiture c'était la MP422. Donc il faut juste se rappeler qu'on sort quand même de 2 années remportées par le Renault F1 Team et donc le V10 Renault qui était quand même largement au-dessus du lot. On a eu quand même une année off en 2006 avec la précédente monoplace de McLaren. Donc on a une McLaren qui est motorisée par Mercedes. Les mêmes Mercedes d'aujourd'hui hein, d'ailleurs, hein, c'est exactement. Sauf qu'à l'époque, Mercedes en fait avait des parts dans McLaren, je crois que c'était à hauteur de 40%. Ils se sont désengagés au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est à partir de 2007 que le dernier accord qui courait donc jusqu'à 2015, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, c'est à ce moment-là que les derniers accords en fait se sont faits et que progressivement Mercedes s'est désengagé. Et puis on connaît la suite évidemment, puisqu'il y a eu le rachat de Brown fin 2009 pour devenir écurie d'usine Mercedes. Voilà, donc la MP422 avait fait des très bons essais hivernaux. Elle apparaissait comme étant très rapide et surtout très fiable. Et surtout, elle remporte quand même sa première victoire dès la deuxième course de la saison en Malaisie à Sepang avec Alonso. Et il faut juste se rappeler qu'Hamilton se classe deuxième, ce qui est pas rien, et ce qui offre d'ailleurs le premier doublé de McLaren depuis 2005. Donc D'accord. on est face à une voiture qui est en mesure d'aller titiller, voire de dépasser Ferrari, et les perfs étaient vraiment très proches, hein. C'était vraiment des voitures très proches les unes des autres. Donc voilà. Alors, la saison donc commence, on a 17 Grands Prix, ça je l'ai dit, mais les choses ont commencé en fait. Alors au départ, c'est pas. Je pense qu'au départ, il y a eu. J'ai très peu retrouvé de choses par rapport à ça. Au départ, il y a dû avoir quand même un petit œil d'Alonso en disant ou celui-là va peut-être falloir que je me méfie parce que il commence à me faire un peu d'ombre. Hein. C'est pas rien quand même de faire deuxième d'un Grand Prix dès son deuxième Grand Prix quoi. Enfin, c'est pas un petit quoi. Et C'est on a vrai, il a commencé. dû être un peu surpris. Oui, je pense, oui, le connaissant, enfin le connaissant non, voyant comment il est, je pense qu'il a dû commencer à me dire, ouais, on va peut-être, bon, voilà, on va peut-être le surveiller tranquillement du coin de l'œil, hein. Bon, on va pas le faire peur, hein. C'est un petit jeune, mais voilà, on va commencer à le regarder. Il faut juste signaler que du coup, c'est Felipe Massa qui avait gagné le Grand Prix de Bahreïn juste après la Malaisie. Et de nouveau Felipe Massa, oui, gagner des Grands Prix Felipe Massa avant. Ah, c'était avant ça. Au Grand Prix d'Espagne. C'était avant l'accident. C'était avant l'accident, oui. Je crois qu'on a tous cet accident-là qui a fait que. Oh, il est pas mauvais non plus, hein. Même encore aujourd'hui avec la Williams, Non, non, ça il reste a un bon pas. pilote. Mais... Ça reste un bon pilote. Je pense qu'il a juste perdu un bon aussi son petit coup de volant qu'il avait juste avant l'accident. Bon, donc ça c'était en 2009. Et on arrive donc le 27 mai au prestigieux Grand Prix de Monaco. Hein, je dis prestigieux parce que ça reste quand même le Grand Prix The Place to Be dans une saison de F1, hein, même encore aujourd'hui. Oula. Je retrouve mes notes, voilà. on a un deuxième doublé, hein, du coup, entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, hein, qui intervient à Monaco. Et puis surtout, ça confirme une certaine supériorité d'Alonso et de McLaren, qui prend justement le dessus sur Ferrari dans le championnat du monde. Sauf que le problème, c'est que Lewis Hamilton s'est lâché, entre guillemets, en laissant entendre aux médias qu'il n'a pas été en mesure de contester la victoire à Alonso en raison d'une stratégie volontairement désavantageuse que lui aurait imposée l'équipe. Donc, on a quand même un rookie qui vient de débuter, qui, au bout de quelques grands prix, dans un des plus gros grands prix que peut compter la Formule 1, dans un des plus prestigieux, dit, bon, le petit là à côté, là, mon coéquipier là, c'est pas normal, il aurait jamais dû gagner. Ça me rappelle juste légèrement ce qu'il avait dit au Grand Prix de Monaco de l'année dernière, 2014, je sais pas si tu te souviens, avec Rosberg. Ouais, c'est vrai, il a un bon palmarès médiatique, Armin Ouais, Monaco, c'est non, intéressant. non, mais Hamilton, et puis Hamilton avait dit l'année dernière de mémoire que, ouais, bah attends, Rosberg, c'est normal, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, et puis c'est normal, il habitait Monaco, moi je suis un Sans compter petit. l'histoire des qualifications aussi. Oui, en Surtout plus, même. oui, surtout même, oui, et puis oui, il avait lâché cette phrase-là à cause de l'histoire des qualifications. Donc c'est vrai que je suis pas à Monaco, un truc spécial avec Lewis Hamilton. A toujours est-il qu'il s'est. Il s'est répandu, comme j'ai l'habitude de dire, dans les médias pendant le Grand Prix de Monaco. Et j'allais te dire, comme en 2014, c'est bizarre, mais l'histoire, c'est pas répété en 2014, mais ça a été le point de départ, en fait, voilà, ça a été le vrai point de départ de leur confrontation, du coup, hors de la piste. Parce que même s'il y en avait eu pendant la piste, eh ben, il y en a eu également au dehors. D'accord. Et comment McLaren a donc géré ça par la suite? Est-ce Mal, qu'ils ont oui, c'est ce que je très m'en mal, doute ça du coup. Mais très mal, co très comment? mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défendu un pilote, ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en fait? Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ah oui, d'accord. Non, ils ont vraiment Comme pas fait d'habitude en grand-chose. fait. Non, non, mais alors il faut vraiment savoir que McLaren, en termes de communication, c'est vraiment des mauvais. Même encore aujourd'hui, ça s'est Oui. vérifié, c'est des mauvais. Non, non, ils ont été très mauvais. Parce que, évidemment, il y avait alors j'allais dire évidemment oui et non, mais il y avait quand même une véritable préférence pour Lewis Hamilton. Parce que bah, Lewis Hamilton, tout simplement, faut-il le rappeler, il est britannique, comme l'écurie. Alonso a surexagéré, je pense, mais c'est pas vraiment idiot de croire que réellement il y a eu sans doute un aveuglement par rapport à Hamilton, parce que il a du point de vue de ses performances, voilà. Le simple fait qu'il lâche cette phrase-là à Monaco signifie que c'était déjà un tout petit peu le bordel déjà chez McLaren à ce moment-là, et on était qu'au, alors attends que je te dise pas de bêtises, Même pas 7-8, non. on était au cinquième Grand Prix. Cinquième, ah oui, d'accord. Mais en plus, ça montre, comme tu le disais, que enfin, Hamilton, il sentait chez lui à McLaren pour qu'il lâche ça. Bah C'est, oui. on dirait un vieux briscard, enfin Eh un ben pilote oui. bien installé. Après, il Eh était ben bien oui. installé dans ce championnat, ça c'est sûr. Mais Oui, c'est vrai oui. qu'il, déjà, Mais il était très mature déjà à l'époque pour sa première saison. ah, tout On peut à rappeler fait. ça, c'est énorme. C'est juste énorme d'avoir, c'est on dirait presque un vieux briscard qui comment te dire ça, un vieux briscard qui enchaîne les victoires et qui se rend compte que il est chahuté par son coéquipier, et puis qu'au final, oh bah dis donc, c'est pas normal les gars, vous auriez dû me, non, enfin c'est complètement surréaliste d'avoir cette déclaration là au Grand Prix de Monaco, cinquième Grand Prix de la saison. Mais en même temps, le mec, il est monté 5 fois sur le podium pour les 5 Grands Prix. Ça, faut quand même le souligner. C'est vrai. Et surtout, il a 38 points et il est en train de batailler avec Fernando Alonso, qui a exactement également 38 points. Voilà où est-ce qu'on en est. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que le mec, il est à la mesure d'Alonso, alors qu'on pensait qu'Alonso allait le défourailler, excuse-moi du terme, à sec. Mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Le mec, il a un coup de volant. Il a une vitesse de pointe de malade, qui, de toute façon, qui est toujours là aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Voilà, il a les dents juste qui rayent le parquet. Hein, c'est ce que je disais en préambule. C'est vrai, c'est vrai. Et Voilà. donc, par la suite, comment ça s'est déroulé entre les deux, la cohabitation, que ce soit en piste ou en dehors? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Là-dessus, je préfère te répondre que je n'en sais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les documents me manquent énormément. Il y a très peu de témoignages par rapport à ça. J'ai retrouvé très peu d'éléments. Ce que je peux te dire tout de même, c'est qu'il y a eu quand même un nouveau palier. Je pense qu'Alonso a commencé vraiment à s'inquiéter parce que juste après Monaco, on a eu la première victoire de Lewis Hamilton au Canada et la seconde victoire de Lewis Hamilton aux USA, juste derrière. Ah oui. Oui, il y avait encore le Grand Prix des États-Unis au moment-là qui était à Indianapolis. Hein. Rappelle-toi comment s'appelle Je me souviens ce circuit de en l'infield. anneau là, Oui. voilà. Donc, sauf que, bah forcément, je l'ai dit, Alonso commence à le regarder de travers, de beaucoup de travers, si bien que lui aussi, du coup, bah, il a commencé à se répandre dans les médias. J'ai retrouvé donc un article d'Autosport, je pense que tu connais, et je pense que tous les fans de F1 connaissent Autosport, hein, qui est quand même une sacrée référence outre-Manche. Oui. Donc, dans cet article d'Autosport, il se plaint tout simplement du comportement de son équipe qu'il estime tourner en priorité vers Hamilton. Donc, d'après ce que j'en ai lu, d'après ses déclarations, en fait, il ne se sent tout simplement pas du tout à son aise. Donc, ça, vraiment, là, ça résume complètement. Il commence à y avoir une déchirure et ça commence à casser. Tout ce qui est ambiance, esprit du team. Et d'ailleurs, je vous cite une phrase très rapide et qui est assez révélateur. Donc en anglais d'abord, I have a British teammate in a British team and he is doing a great job and we know that all the support and help he's going to him and understood that from the beginning. Ce qui peut se traduire assez rapidement comme j'ai un coéquipier britannique dans une équipe britannique, faut bien souligner. Il fait du bon boulot. Nous savons qu'il a toute l'aide et l'assistance voulue, et c'est ce que j'ai compris dès le départ. C'est-à-dire que le mec se dit pas, je l'ai compris à partir de ce Grand Prix-là. Non, le mec se dit quand même que depuis l'Australie, en fait, il est dans un team où il n'est pas du tout à sa place, quoi. Là, tu te dis que, arrivé à ce stade de la saison, il y a quand même un gros, gros, gros malaise. Ah oui, on n'est même pas Donc, mi-saison. Donc... oui, on n'est même pas mi-saison, où on doit s'en approcher, mais vaguement, quoi. Donc, on est Grand Prix, je regarde le calendrier, donc 6-7, on est au 7e Grand Prix. Il se répand au 7e Grand Prix. Donc t'as l'autre qui commence au 5e, t'as après l'autre qui renchérit au 7e. Où est-ce que ça va se terminer? Et je me Attends, souviens aussi que les communications radio durant le Grand Prix des États-Unis de la part d'Alonso, c'était assez houleux de souvenir. c'est possible, Parce que c'est c'était possible. assez chaud entre les deux durant le Grand Prix sur la piste. Et du coup, Alonso, ça était passablement énervé. Comme on le sait à l'époque, il était vraiment Oui. encore plus chaud. Il l'est encore un peu. Il est Il est encore encore un peu, se ouais. sent latin. Mais avant, c'était pire parce qu'il était moins mature et il réagissait vraiment encore plus au quart de tour. Et c'était assez violent des fois. Mais je dirais que ça participe au caractère tout entier de ce pilote. Hein. Après, effectivement, il y a toujours le curseur de jeudi, mais il faut pas non plus que j'en dise trop parce que sinon. On voit que de toute façon, moi, à aucun moment, quand j'ai consulté les documents et tout ce que j'ai pu consulter, à aucun moment, je vois du Ron Dennis dans le texte, quoi. J'ai l'impression qu'il était limite un peu muet sur le coup. Enfin bon, si c'était pas déjà le bon communicant qu'on connaît aujourd'hui, limite, c'est un peu Mais normal. du coup, j'ai envie de dire, après toutes ces affaires, et là encore récemment, du coup, avec l'affaire Alonso, dont je vous réfère à un précédent podcast. Oui, j'aime bien, j'aime Ah oui, non, mais il Mais n'y a pas de du problème. coup, j'ai envie de référer à un podcast que je n'ai pas fait en 1989, où il y avait eu un certain duel Senna-Prost, et où là Oui. aussi, il y a eu des vives critiques. Et encore aujourd'hui, Oui. Prost critique allègrement ce qui a été fait chez Oui. McLaren en termes de communication. Est-ce qu'on ne peut Tout pas à fait. rapprocher ces deux faits? Ah bah, et si complètement, je dirais que c'est presque c'est un fil d'Ariane en fait qui suit depuis qu'on a connu ce grand duel d'ailleurs dont on aura l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez surtout pas. On s'arrête en 2007, c'est la même chose. On s'arrête du coup là en début 2015, c'est également la même chose. Bon, on se demande qui communique dans cette équipe. Je dirais que même, j'ai envie de te dire, ça ne m'étonne même pas quand, par exemple, il a fallu attendre quand même presque c'était fin janvier de cette année là où il a fallu attendre quand même jusqu'au bout de savoir que Alonso et Button allaient courir ensemble. T'imagines? Oui, c'est Alors que vrai, il y a eu ça aussi. ça devait être fait depuis longtemps. Bon, alors Button, ça a été signé juste, je crois, quelques heures avant. Donc, bon, voilà. Ouais. Mais c'est te dire, déjà, tu fais bien évoquer 1989, je ne me rappelle plus trop de cette époque, mais là, je te fais confiance là-dessus. Tu fais bien de le rappeler, parce que la gestion enfin, j'allais dire désastreuse, c'est presque connu. Et là, on arrive quand même. Et je pense que de toute façon, Ron Dennis, moi, je l'ai lu en interview une ou deux fois par-ci par-là. Je dois encore en avoir un magazine par là. Je pense qu'il a tout simplement pas pris la mesure du fait qu'il y avait deux grands pilotes chez lui. Il savait pas qu'Alonso et Hamilton allaient être à performance à voiture égale, allaient être aussi proches l'un de l'autre. Ça, je pense que même dans ses rêves les plus fous, il pouvait pas, il ne savait pas. De toute façon, Oh, je pense, enfin, moi je pense que si, parce que Hamilton, il l'a signé ben, à l'âge de 11 ans, je crois, tu m'as dit. oui. Ouais, il a Et signé un peu plus après, tard. la carrière d'Hamilton est quand même, dans les formules inférieures, est quand même énorme, où il Oui. gagne presque tout. Oui. Oui, Même il remporte le GP2. Alonso devait le croiser, ouais, même sur le GP2. Le GP2 se passe durant les week-ends de Grand Prix, donc Alonso était au courant qu'il y avait ce pilote qui montait. Et donc après, quand Ron Dennis l'a signé chez McLaren, après... Alonso a bien senti le truc. Ron Dennis, il veut toujours prendre les meilleurs. Du coup, il savait bien qu'il avait un double champion du monde et un pilote qui pouvait faire de grands trucs. Après, ouais, est-ce qu'il se doutait que dès la première saison, il pourrait faire de l'ombre à Alonso ou que ça allait Pense pas. un peu se chamailler? Peut-être qu'il a pas anticipé ça et qu'après, il a pas réagi comme Non, oui, d'habitude. comme d'habitude, Et j'ai envie de il dire, a. en plus de tout ce qu'on a cité, il faut citer aussi. Moi, j'ai envie de le rappeler parce qu'on le rappelle pas assez, mais quand Sergio Pérez a été débarqué de chez McLaren, pareil, Ah oui, c'est vrai. communication désastreuse avec arrivée de Ah Magnussen oui. qui devait être le nouveau Hamilton. Là, pour Oui. débarquer Magnussen, T'as raison. il a fallu du temps, comme tu l'as dit, Oui, avec pour oui. signer Button et tout, c'était la galère. Oui. Ça se répète, mais quasiment tous les ans, là, ces dernières Oui, années, depuis oui. 2007, c'est fou, quoi. Et étonnamment, j'ai envie de te dire, il y a que quand Martin Whitmarsh était directeur de l'écurie que ça s'est plutôt bien passé en Ouais, ça termes de c'est communication. paradoxal, c'est sûr. C'est assez paradoxal. Bon, on verra des résultats, on repassera, mais j'ai presque envie de te dire qu'au moins c'était plutôt tranquille de ce niveau-là. Mais oui, t'as raison de le souligner. C'est vrai que entre Pérez et Magnussen, c'est vrai que Pérez l'a un peu mal pris. Tu peux le comprendre. Ça se serait aussi terminé en procès, quoique lui, il n'y avait peut-être pas de problème de contrat, parce que je pense qu'ils ont les juristes qu'il faut chez McLaren, Oui, quand même, mais ils ont au moins ça. ils sont moins amateurs que chez Sauber. Mais, Mais mais bon, en tout engagez-moi, la FIA, Sauber, cas. prenez-moi. Oui, Mince, quoi. bah écoute, si jamais ils cherchent un poste, n'hésite pas, oh, vas-y, Je suis disponible. ils auraient peut-être besoin d'un assistant qui connaisse un peu les rouages, parce que, comme dirait l'autre, je pense que chez Sauber, il y a quelques postes de juristes à renouveler, et très rapidement, s'il y a un gros souci. C'est sûr. Outre l'aparté, je ne sais toujours pas ce que fait cette écurie-là en Formule 1, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre Ça débat. c'est toi qui réglera cette question. Donc Ouais. pour en revenir Revenir en à nos 2007. Et en du coup, 2007. la suite des événements Oula, entre les ça deux. allait de mal en pis quoi. C'est Ah ouais? surtout ça le problème. Oui. Donc j'en étais à ma fameuse citation du Grand Prix d'Europe, donc au Nürburgring, parce qu'à l'époque il y avait le Grand Prix d'Europe Nürburgring et il y avait le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, malheureusement le nouveau Hockenheim, hein, pas le circuit mythique qui traversait la forêt. J'ai juste revisualisé, j'ai réussi à trouver des images du Grand Prix d'Europe de 2007, qu'Alonso remporte. On le voit très bien, il sort de la voiture. Bon, déjà, il regarde qu'il y a un petit poc là sur sa carrosserie, parce que Massa l'a touché. Et je peux vous dire qu'il est vraiment, mais alors vraiment pas amical avec Ron Dennis. À mon avis, si on avait eu une Catherine Laborde dans le coin, nous aurait dit risque de blizzard dans le coin. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, tu vois Ron Dennis qui applaudit, il est content, ouais, t'as gagné, ouais, t'as Alonso, dessus, hein. Non mais limite, hein, c'est ça. Franchement, tu iras voir les images, c'est glaçant ça glace le sang, quoi. Et donc juste après, d'ailleurs, on le voit s'engueuler avec Massa en arrière, juste avant le podium. Donc voilà. Alonso, il faut le signaler, c'est tant mieux une voiture qui marche. Et du coup aussi qui gagne. Mais il y a eu aussi un autre problème qui est apparu presque en même temps. Et ça, il faut aussi le mettre au compte du coup de cette saison 2007, parce que bah, ça a concerné aussi Alonso. C'est l'affaire d'espionnage industriel qui va concerner du coup toute la fin de saison de McLaren-Mercedes et bah je peux le dire carrément va sacrément aussi ternir l'image du team de Woking à tel point que il va se passer quand même de sacrées mauvaises choses. Donc voilà. Le point culminant en 2007 de cette affaire, de ce duel, c'est le Grand Prix de Hongrie. Donc nous sommes au, alors à chaque fois je suis obligé de réouvrir mon calendrier, nous sommes donc le 5 août, le week-end du 5 août, au Hungaroring, hein, d'ailleurs un circuit très rustique, très très très Formule 1 d'Europe, hein, d'ailleurs j'ai envie de te dire, que j'aime beaucoup. Donc ce Grand Prix de Hongrie, pendant les qualifications, on a Alonso qui s'arrête pour un changement de pneu. Il reste plusieurs secondes, alors que tu vois que la sucette, elle est déjà, la sucette du mécanicien qui est juste à l'avant, elle est déjà levée. Il reste plusieurs secondes planté. On peut le voir d'ailleurs sur des images, des vidéos qui circulent pendant les longues secondes pendant lesquelles on voit également, puisque bon, il pourrait s'arrêter Alonso, il pourrait rester avec son mécanicien, la sucette levée, salut, coucou. Non, non, c'est surtout qu'il y avait Hamilton derrière, hein, il attendait Hamilton. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Déjà parce que les qualifications n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qu'on connaît aujourd'hui avec trois séances de qualification, Q1, Q2, Q3. C'était quand même un tout petit peu différent. C'est surtout en fait un drapeau à damier qui à l'époque sonnait la fin de la récré entre guillemets. Donc en gros, aujourd'hui, quand le chrono est à 0 seconde, tu finis ton tour. Donc en gros, les écuries en profitent pour aller au dernier moment pour la perf ultime. Mais sauf que ça se passait pas comme ça à l'époque, ça se passait au drapeau à damier. Donc il l'a gêné volontairement, hein, de toute façon ça c'est clair et net, il l'a gêné volontairement. Et donc Alonso est reparti, Hamilton a perdu quelques secondes dans l'histoire. Et donc du coup, il s'est qualifié qu'en seconde position, alors qu'Alonso a eu sa pole position. Hop, hop, hop, mais mon petit Alonso, tu vas venir ici, qu'a dit la FIA. Donc il signe la pole position, mais il sera rétrogradé tout de suite après en sixième position par la FIA pour comportement anti-sportif. Tout simplement. D'accord. Mais c'est vrai que c'était très très malsain d'avoir fait ça, et c'est là que la rivalité est devenue assez malsaine, quoi. Oui, oui, oui, tout à fait. Parce que faut quand même savoir qu'Alonso, alors je sais pas si moi j'ai retrouvé ça quelque part, mais je ne sais pas si c'était pendant le Grand Prix de Hongrie ou après ou avant. Toujours est-il, c'était pendant ce week-end de Hongrie où Alonso avait quand même demandé à Ron Dennis de faire tomber en panne Lewis Hamilton d'essence. Par rapport au fait qu'il était pas premier de l'équipe, qu'il se sentait pas premier de l'équipe, hein, c'était ça quoi en gros. Sinon, attention Ron, je dénonce tes échanges, tes emails fraudulés, tout un toit, hein, par rapport à cette fameuse histoire d'espionnage industriel. Oula, ouais, oui, il y avait quand même ce genre de chantage. Oui, oui. Wow. C'est-à-dire qu'Alonso était quand même dans l'histoire, hein. Je raconterai ça vite fait tout à l'heure, mais il était quand même dans l'histoire, donc il faut pas oublier que du coup derrière, ben qu'est-ce qu'il fait? Il joue au petit jeu du chantage. Alors forcément Ron Dennis ne l'a pas écouté, et heureusement d'ailleurs pour le sport quoi. Enfin, ouais, faut, c'est vrai. On a déjà les consignes d'équipe qui ont pourri des courses entières parce que voilà, si on commence derrière à voir, donc Alonso se révèle un peu machiavélique sur les bords et pas très fin tacticien du coup, parce que ça se voit un peu trop, c'est un peu trop gros pour être vraiment honnête quoi. Et donc du coup pour ce Grand Prix en termes sportifs, c'est Hamilton qui s'élance de la pole position, et puis bah belle revanche, hein, du coup, c'est qu'il remporte la course. Mais autant vous le dire tout de suite, la guerre, elle est désormais totale et ouverte envers les deux coéquipiers. Donc, à l'issue du Grand Prix, juste pour signaler, Hamilton est en tête du championnat du monde, à 7 longueurs d'Alonso, faut le signaler, et à 20 de Raikkonen, donc il attire presque un boulevard par rapport au troisième, hein, quand même 20 longueurs. Hein, je sais plus si c'est à l'époque ou non. À l'époque, tu gagnais encore 10 points pour le premier. Oui, ça devait être 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je crois que c'était les 8 premiers. Ouais. C'était les 8 premiers, ouais, c'est ça. Donc, quand tu commences à avoir un matelas déjà de 7 points, c'était déjà pas trop mal. Quand tu commences à avoir un matelas de 20 points, bon, t'étais tranquille, tu pouvais voir venir. Et pourtant, donc on est sur les week-ends donc d'août. On a le Grand Prix de Turquie qui a été remporté par Felipe Massa. Et Le problème, c'est que l'extra sportif les a largement rattrapés parce que il y a eu donc cette affaire d'espionnage. Il y a eu donc McLaren qui a comparu le 13 septembre 2007 à Paris devant justement la FIA, le Conseil mondial de la FIA, pour justement cette affaire d'espionnage industriel, donc qui l'opposait à l'époque avec Ferrari. Hein. Faut bien signaler, en fait, l'autre équipe, c'était Ferrari. En gros, très rapidement, j'y reviens parce que malheureusement, en fait, c'est intervenu pendant la saison. C'est dur du coup, et comme ça concerne Alonso, voilà. Il y a eu ça aussi. Il y a eu le fait que Alonso a eu Hamilton, ça ne l'a pas arrangé du tout. Et il y a eu aussi bah, Alonso qui a fait un peu. Qui a trempé un peu dans quelque chose qui n'était pas très net en extra sportif. Et c'est à mettre en lumière, et c'est du coup sur ça d'ailleurs qui a fait que bah, Alonso est parti tout simplement de McLaren fin 2007. Donc. L'animal politique Alonso, hein, toujours, hein, il a toujours Ouais, mais été oui, hein, très, donc, toujours c'est été dingue. très fort, on va dire, dans ce domaine. Mais après, on peut soit l'aimer, soit le critiquer pour ça. Oui, oui, Mais en oui, tout oui. cas, il a été toujours comme ça, que ce soit dans n'importe Oui. quelle écurie. C'est vrai que. On est d'accord. On est d'accord, tout à fait. Alors très rapidement, donc il y a eu donc le témoignage d'Alonso, Alonso en fait a eu des j'allais dire des pressions, mais ouais c'est presque ça, de la part de la FIA en fait pour révéler des informations qu'il détenait. En fait, il détenait des informations par rapport au fait que donc Ferrari, ça je vais l'expliquer juste après, sinon j'ai mon texte à suivre, donc sinon je commence à m'embrouiller un peu, mais c'est assez compliqué en plus comme histoire. Donc en gros, il avait des informations qu'il détient, la FIA fait pression, tu me donnes des informations, je te file une amnistie. Voilà, tout simplement. Sinon, évidemment, si Fernando Alonso se tait, grave conséquence derrière. Il faut rappeler quand même que le président de la FIA à l'époque était Max Mosley. Hein, donc certainement pas le plus tendre. J'ai pas envie de le voir en face de moi celui-là. Il faut comprendre que donc à l'issue de cette comparution, il a été révélé quand même qu'Alonso avait eu connaissance, écoutez bien, dès le début de la saison, de secrets de réglage de la F 2007, oui, de Kimi Raikkonen et Felipe Massa. D'accord. Bah, c'est quand même un truc, hein. Donc du coup, voilà, en fait, tout le postulat tient dans ça, quoi. C'est qu'il y a eu un transfert d'ingénieurs, hein, tout simplement. Du coup, des documents auraient circulé aussi en même temps sous la valise. Et donc du coup, les gars de McLaren auraient récupéré deux, trois informations par rapport à la monoplace de Raikkonen et de Massa. Moi, je trouve ça juste un tout petit peu débile d'avoir mis un pilote dans ce truc-là, parce que. Je vois mal en fait Alonso, si tu veux, les conséquences. Très sincèrement, j'ai du mal quand même à voir. Je pense que c'est des documents qui auraient été plus exploités par les têtes pensantes de McLaren plutôt que par Alonso lui-même, quoi. Tu vois, j'ai. Après, on ne sait pas comment ça s'est passé, c'est sûrement très complexe l'affaire, Oui, mais bien sûr, on évidemment. peut peut-être supposer que, comme Alonso, il aime bien centraliser tout autour de lui, que ce soit les informations à propos de sa voiture ou quoi, peut-être avec les discussions entre les ingénieurs et tout, et il a pu savoir ça au Oui, c'est détour de possible aussi, certaines oui. Oui. conversations et tout. C'est peut-être ça, après, ouais, c'est vrai que c'est des affaires très complexes et qu'on pourrait résumer par McLaren a espionné Ferrari Oui. et McLaren donc a été puni lors de Ah, bien sûr, bien sûr. ce procès, il me semble, Bien et puni très sûr. sévèrement. Puni très sévèrement le Conseil mondial de la FIA, donc qui est, je le rappelle, à Paris, hein, c'est la Fédération internationale d'automobile est située à Paris, a décidé carrément de retirer à l'écurie McLaren-Mercedes tous les points acquis cette saison, décision rétroactive, donc depuis le début de la saison, dans le championnat du monde des constructeurs, et la précision est importante, et de plus. Du coup, il y a eu une grosse amende de 100 millions de dollars. Pour une écurie de F1, même pour McLaren, ça fait un tout petit peu mal quand même. Ça 100 fait beaucoup, ouais, millions, ça c'est fait clair. beaucoup. Quand je voyais tout à l'heure les frais, le fret que devra payer Manor qui s'élève à 2,7 millions, 2,7 millions même chez Manor, c'est déjà beaucoup. Il faut Oui. imaginer que 100 millions, c'est même pas le, je dirais même pas le demi ou peut-être même pas le quart du budget de la conception d'une Formule 1. Aujourd'hui, hein, on parle souvent du 100 millions pour comment dire, la F1 à budget limité. Bah, à 100 millions, on fait pas grand-chose avec. Hein. Alors, tout le monde n'a pas 100 millions, bien entendu. Alors, évidemment, le Conseil mondial a été clément, entre guillemets, en précisant que serait déduite de ces 100 millions de dollars la somme qu'aurait dû recevoir, en fait, McLaren-Mercedes pour les points acquis au championnat constructeur, puisque plus vous avez de points, du coup, plus vous avez d'argent. C'est pour ça que, du coup, Manor a reçu de l'argent, puisqu'ils avaient eu 2 points la saison dernière avec Marussia et Jules Bianchi. Voilà. Donc, on va dire qu'ils vont pas payer 100 millions comme ça, mais ils vont payer un tout petit peu moins. Mais ça reste quand même une grosse. C'est pas tant l'amende au final à payer, parce que ça, en général, ils vont vous dire maintenant, l'amende, c'est rien. Mais c'est surtout que McLaren, qui pouvait batailler pour le titre, qui bataille pour le titre pendant toute la saison, avait la possibilité de gagner et peut-être de remporter ce championnat, ne peut pas parce que tous les points lui sont enlevés. Ceci dit, les pilotes, eux, restent avec leurs points, parce que je pense qu'Hamilton, lui, il n'en sait rien du tout. Moi, je fais ma petite course pépère. Alonso, pareil, garde ses points. C'est le plus important, j'allais dire entre guillemets, parce que dans une carrière de pilote, si un tel événement s'était produit, je n'ose imaginer la carrière de Fernando Alonso, par exemple, qui a été mis en cause. J'ai oublié de préciser, mais il y avait aussi Pedro de la Rosa, hein, le pilote essieur de McLaren, aussi était mis en cause dans cette affaire. D'accord. Mais lui, il n'a pas le même talent que Alonso, donc on s'en fiche. Oh là là, Zou. Non, ça non, part mais mal. tu pourras le couper. Donc malgré le fait qu'il y avait pas une grosse atmosphère de travail, et surtout c'est tous les membres de l'écurie se montent les uns contre les autres, Alonso remporte le Grand Prix d'Italie à Monza, faut-il quand même le préciser, quelques jours plus tard. Ensuite, il est quand même au coude à coude avec Hamilton dans la lutte pour le titre. Hein, imagine quand même que c'est toujours la première saison d'Hamilton, on n'a pas bougé avec Hamilton. Oui, c'est vrai. Hyper très gros lors du Grand Prix du Japon, sur le circuit du Mont Fuji. C'était pluie battante. Je sais pas si tu te souviens un peu de ce Grand Prix. Moi aussi, je m'en Il souviens, a eu un accident, hein, il a été contraint à l'abandon. Alors je m'en rappelle plus, j'ai pas marqué, je suis bête, je suis complètement bête, j'ai même pas marqué ce qui s'était réellement passé. Sur ce, je crois qu'il avait pas pété un pneu, je crois qu'il a eu une crevaison ou un truc comme ça. Je sais pas. Moi, je me souviens de la pluie qui était même un peu trop battante parce qu'on n'a pas eu vraiment un Grand Prix, il me semble, fabuleux à cause de ça. Je me souviens surtout de ça. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Bon, bref, Bref, il y a eu grosso modo, abandon en tout voilà. De toute cas. façon, il y a eu abandon de la part d'Alonso. Donc Hamilton, voilà, reprend entre guillemets des couleurs, et surtout, il reprend et il remporte sa 4e victoire quand même de la saison. Et il prend carrément large au championnat du monde de Formule 1. Ensuite, il y a eu la Chine, le Grand Prix de Chine. A priori, il y avait même il y avait le sacre d'Hamilton était possible s'il gagnait, hein, tout simplement. Ah oui, quand même. Le problème, c'est que Hamilton abandonne, ça c'est bête, et Alonso est deuxième. Deuxième du Grand Prix, puisque le Grand Prix sera remporté, attention, les yeux, sera remporté par Kimi Raikkonen, du coup, Ah tiens, on l'avait presque oublié. on l'avait oublié Première victoire, non, de la celui-là. saison de Kimi. Qui Raikkonen? Non, non, non, non, non, non, non, Non. non, non, Raikkonen, non, c'est plutôt Massa, c'est Massa en fait qui avait eu moins de victoires. Non, Raikkonen, il avait gagné en Belgique à Spa-Francorchamps, Ah oui, son grand prix. son Grand Prix. Donc Hamilton, c'était après au Grand Prix du Japon, et du coup Kimi Raikkonen remporte la Chine, donc du coup reprend également quelques points à Hamilton. Ensuite, il revient quand même à quatre points de son de alors Alonso revient à 4 points d'Hamilton, puisque Alonso a terminé deuxième du Grand Prix de Chine. Et enfin au Brésil, puisque c'était le final à une certaine époque c'est un peu comme l'Australie qui débutait les saisons et le Brésil qui les finissait. Je sais plus tout à fait le cas aujourd'hui. En tout cas, le Brésil, Kimi Raikkonen gagne tout simplement en fait le Grand Prix, et c'est là qu'il dépasse en fait Alonso et Hamilton au championnat du monde des pilotes avec un seul point d'écart. Hein, c'est vraiment rien du tout. Il se classe donc que je te dise pas de bêtises. Voilà, ils se classent tous les deux à égalité de points, donc entre Hamilton et Alonso, donc les deux pilotes finissent haut de place derrière Raikkonen. D'ailleurs, je ne m'abuse, Hamilton était même devant Alonso parce que je crois qu'il avait une meilleure deuxième place ou un truc comme ça. Tu sais, ça se calcule au nombre de Ouais. victoires. Comme ils avaient le même nombre de victoires, je crois qu'après ils rétrogradent à la seconde place. Donc du coup, Hamilton en avait un peu plus. Et bah du coup, voilà, il a réussi même à terminer devant Alonso. Donc voilà, on a l'étendue donc de tout la saison 2007 de Formule 1. Comme vous l'avez, enfin, on peut le voir, ça a été la leçon à retenir, c'est que faut jamais sous-estimer son coéquipier qui vient juste de débuter. Aujourd'hui, pareil exploit, moi, me semble impossible parce que déjà parce qu'il, comment dire, Hamilton, quand il arrive quand même en Formule 1, on est face à un plateau qui est quand même établi depuis quelques années. On a des pilotes, on n'a pas beaucoup de renouvellement de pilotes comme ça se pratique énormément aujourd'hui. Donc Hamilton apporte un vent je pense, de fraîcheur. Parce que voilà, le plateau était quand même assez immobile, hein. On avait quand même plus ou moins les mêmes pilotes, ça bougeait pas peut-être autant que bah, aujourd'hui où clairement t'es pas performant, même avec une voiture mauvaise qui te qualifiera en fond de grille, bouffe, tu dégages quoi. En gros, c'est ça. Ou d'ailleurs, c'est plutôt t'as pas de pétrolier derrière toi ou de banque derrière toi, tu dégages. Donc voilà. Mais je pense qu'Hamilton a pris déjà la mesure de son coéquipier, a pris la mesure de la voiture, même à son jeune âge, était quand même un metteur, n'était pas forcément le même metteur au point qu'Alonso, mais je pense que pour gagner des grands prix, il faut quand même faut quand même genre, bien connaître sa machine, je Il faut pense. avoir tous les talents, Il faut avoir tous surtout les talents. pour une première saison. Ouais, tout à fait. Je pense que la sortie à Monaco a dû fait secouer pardon quelques têtes à Woking, donc le siège de McLaren. Donc il y a eu tout ça et puis bah on a Alonso à côté. De toute façon il le disait, moi je l'ai lu en interview assez souvent, je m'en souviens encore aujourd'hui, où en clair il détestait Hamilton. C'était aussi simple que ça. Il le détestait. Hein. Il pouvait pas se voir, il pouvait pas se fréquenter. On pouvait même se poser la question de est-ce qu'il y en a pas un qui va finir par craquer et finir par taper l'autre, quoi. Bah oui, C'était carrément. presque ça dans le paddock. Et puis bon, il y avait presque une bataille rangée entre les pro Hamilton et les pro Alonso. C'était vraiment c'était c'est De toute façon, de toutes les manières, je pense qu'on a affaire là à deux pilotes ultra talentueux qui ont eu la bonne machine au bon moment, avec en face des voitures qui étaient surtout des pilotes qui n'étaient pas forcément, alors j'allais dire pas forcément attendus, mais en tout cas, on pensait pas qu'il y allait avoir une confrontation, même si on savait que la Ferrari avait retrouvé un niveau de performance tout à fait honorable. Deux pilotes comme ça qui s'affrontent, c'est soit ils marchent main dans la main, soit ils se tirent dessus à boulet étendu pendant toute la saison. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, ce qui s'est passé en 2014. Hein. Toujours très Et, compliqué à gérer ce genre de c'est tout, situation. tout à fait, c'est toujours très compliqué. Alors l'année dernière, ça change parce que Toto Wolff a plutôt bien géré, et surtout Niki Lauda ont plutôt bien géré la situation et la crise, même si on sentait que c'était tendu à un certain moment. Ouais. Bon, Rosberg a recommencé un peu, je trouve ça dommage du coup, a recommencé à faire ses petites phrases et Ah oui, mais lui, il le veut presque, qui est ça. Enfin, il a dit c'est qu'il le dommage. voulait. Parce que il a dit qu'il voulait donner du show avec ça aux spectateurs. Ouais, Et mais il a déclaré, hein, j'ai été surpris quand je l'ai vu. Ça n'a pas été beaucoup repris, mais c'est vrai que c'est une déclaration presque hallucinante, quoi, c'est vrai que du coup, de vouloir la guerre quasiment. oui, voilà, c'est ça. Alors que Rosberg et Hamilton ont été, se sont suivis dans les formules inférieures avant l'accession à la Formule 1. Donc Rosberg, malheureusement, a eu un peu plus de mal par rapport à Hamilton parce qu'il a été détecté quand même très tard, alors qu'on savait que c'était un bon pilote, hein, Nico Oh, Rosberg, hein, c'est un très. Rosberg, attends, Rosberg quand même, il a été en F1, il a été en F1 2007, il y était en F1. Je suis Ah pas oui, sûr. il était chez Williams, il me semble. Je suis pas sûr. Ah, il me semble, je veux Tu bien penses? vérifier, mais. Ouais, bah écoute, pas de problème, mais il me semblait qu'il était. Ou alors il était vraiment dans une écurie, disons-le clairement, de merde. C'est possible qu'il était dans une. Mais il me Début semble en pas que. 2006 même. Ah ouais, oui, les champions GP2 de 2005 en fait. Et effectivement, il fait ses débuts à l'âge de 20 ans en 2006 avec Williams et rejoint Mercedes en 2010. Oui, tout à fait, C'est ouais, bien ça. exact. Ouais, c'est bien ça, ouais. Bon, bah, autant pour moi, j'ai dit une connerie, mais je me souvenais vraiment plus de lui. Non, parce que d'ailleurs, on a quand même l'apparition de, faut le noter, hein, de Vettel, hein, de Vettel, premier Grand Prix, il remplace Scott Speed au sein de Toro Rosso, hein, donc c'était au Grand Prix, bah, justement, de Hongrie, donc c'était la première apparition de Sébastien Vettel. Voilà pour la petite histoire. Ah, par contre, si je me trompe pas, Vettel aussi, il est apparu avant avec avec quelle écurie? Je crois que c'était BMW Sauber, mais je crois Mais en il avait pilote fait un d'essai. Grand Prix, non? Il a pas fait un Non, Grand Prix avec BMW. C'était non. juste des essais? Ouais, c'était pilote d'essai. C'était pilote D'accord, d'essai autant pour moi. et. Non, il était. Alors, que je te dise pas de bêtises. Ouais, voilà, il fait ses débuts en Formule 1 au Grand Prix des États-Unis. Il remplace en fait Kubica. Qui a été. Qui s'est blessé. Oui, c'est lui qui a eu cet accident spectaculaire là au Canada. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais, si, si, ouais, Kubica, hein, je il m'en était. souviens. Ouais. Mais a priori, ça voudrait dire du coup que Vettel aurait fait BM et juste après il serait parti chez Toro Rosso. Il était un peu Ouais. volatile. Bah, en fait, Voilà. il était tout le temps chez la filière Red Bull, c'est juste que là, Oui, oui, oui, oui, l'occasion s'était oui, oui, présentée de faire un oui, remplacement, comme il oui. était pilote d'essai. Donc voilà, il était bien en fait pilote essayeur chez BMW Sauber F1 Team en 2006-2007. Et ensuite, effectivement, il a été en 2006, pardon, et donc en 2007, il a été titularisé chez Scuderia Toro Rosso. Voilà. Et du C'est... coup, pour revenir sur la rivalité, sur le duel entre Hamilton et Alonso, comme tu le disais en début de podcast, tu disais que la F1 ça va vite et que du coup de 2007 à 2015 ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait tu disais que c'était une sorte de gouffre hein, Oui. dans le monde de la F1. Oui. T'as d'autant plus raison, on peut revenir là-dessus, c'est-à-dire que aujourd'hui, ben Hamilton et Alonso, enfin par la suite. Ils s'entendent, enfin ils se respectent quoi. On peut pas dire qu'ils se détestent ou quoi, qu'il y ait Ah ben d'animosité non. entre les deux. Ils se Non. respectent comme deux pilotes quoi. Il y a eu un article qui datait de 2013 que j'ai lu pour préparer cette émission, cette chronique, pardon, et où effectivement la hache de chaque côté était enterrée. Et j'allais même te dire, elle est tellement enterrée la hache. Alors, ils sont plus coéquipiers, donc forcément ça simplifie les choses. Mais lors du sacre de Lewis Hamilton fin 2014, donc Alonso, et il a cette vidéo, hein, d'ailleurs, c'est même lui qui commente la vidéo. On le voit, donc il échange un casque avec Vettel, il me semble, Sébastien Vettel. Ou non, Ricciardo, je dis Ricciardo parce que j'arrive pas à le prononcer sinon. Avec D'accord. Ricciardo, ils échangent un casque, et puis tu vois Alonso qui donc frappe au motorhome de Mercedes. Et donc, bah, il rentre dans le motorhome, puis il vient féliciter Hamilton. Donc, il s'échange quelques mots, voilà, des tapes sur l'épaule, une petite embrassade, bisous, bisous, voilà, machin. Tu le vois ensuite taper la bise à Anthony Hamilton, son père. Tu le vois taper la bise au frère de Lewis Hamilton. Tu le vois faire la bise après à l'autre, là, Scherzinger, là, sa gonzesse, là, Hamilton, tu vois qui tape la bise et tout. Donc, déjà, aller féliciter Hamilton, bon, ok. Ensuite, quand même, aller dans le motorhome Mercedes pour aller le féliciter, pour aller lui dire quelques mots, il pourrait très bien s'en abstenir. Alors, évidemment, Alonso, tu l'as dit, c'est un animal politique. Donc, je pense qu'il y a un petit calcul derrière. Il va bien se faire voir. Voilà, notre rivalité, elle est terminée. C'est fini Possible, maintenant. mais je pense que, Hein? enfin, même avant, de toute façon, quand on les regardait, bon, après, tant qu'ils étaient plus dans la même écurie et que on va dire, la bourrasque était Voilà. passée, Oui. ça allait, quoi, c'était respectueux. Oui, voilà, Il y oui. avait juste on va dire, ils étaient juste rivaux en piste, ça c'est bien normal, mais sinon, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, alors qu'en 2007, ouah, c'était violent, comme tu l'as bien bien expliqué, Ouais, surtout tout au long de la saison 2007, c'était une longue saison hein, pour tout le monde là, une longue saison chez McLaren, pardon. McLaren, c'est une agonie parce que tu sais que t'as une équipe qui gagne, t'as des pilotes qui gagnent, Tu te retrouves empêtré dans une affaire à la con, hein, j'appelle ça comme ça, espionnage. Tu te retrouves avec deux pilotes qui s'entendent, qui peuvent même plus se parler s'ils se parlent. Il y en a un qui en dé, lui en dé, qui décoche une branlée à l'autre. Enfin, moi je pense que Ron Dennis, il a quitté ensuite l'écurie en 2008, hein, je crois, hein, et puis il s'est fait un peu écarter entre guillemets, je crois, par les actionnaires, même si plus ou moins il a dit que bon, c'était lui qui, hein, mais il a pris beaucoup de distance par rapport à McLaren, la branche F1 de McLaren, puisque lui il dirigeait plus la branche automotive, donc la branche qui construit des voitures. Et donc il se fera remplacer ensuite par Martin Whitmarsh. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est la saison où, j'allais te dire, c'est presque la saison où il y a une plaque, il y a eu quelque chose qui a tourné chez McLaren, parce que depuis 2007, malheureusement, il n'y a plus rien. Il n'y a clairement plus rien du tout. Il y a une voiture ratée sur presque toutes les saisons. À part après le, alors après 2007, il y a eu quand même des voitures qui bataillaient, parce qu'il y avait toujours Lewis Hamilton. Il y a eu quand même 2008, quand même. Il y a eu 2008, d'accord, mais Lewis Hamilton est parti après, en 2011, je crois, Bon, ou après, il y a 2000, plus, 2012, 2012. il y a rien eu Mais il n'y a après rien eu, il n'y a pas du tout eu 2009, ça. enfin surtout 2009, c'était nul. De 2010, 2010, ça allait. Bah oui, il y avait Button. Bah Button oui. Hamilton, Oui, il y a une belle Button paire. Hamilton, oui. 2011, eh ben, il y a eu, ça allait, mais il y a Hamilton qui a fait sa plus mauvaise saison parce qu'il était ailleurs dans sa tête et ça allait pas du tout. Et puis ça, il s'accrochait avec Massa tout Oui. le temps, c'était Oui, insupportable. c'est vrai. Hamilton's fault, comme on pourrait dire. Oh, c'est C'était moi, j'ai. l'expression de Oh, l'époque. j'avais oublié, c'est. C'était, oui, c'était, on peut le dire, c'était il y a que 4 ans, mais pourtant, Oui. ça fait une blinde, quoi. Oui, c'est. Oui. 2012, ben, c'était qui? C'était Button Perez, non? Non, Oui, pas encore, non. Pas encore. non. C'était pas encore Button Perez. C'était encore Button Hamilton, je crois. Oui, parce qu'il a quitté, en 2013. Ouais, fin 2000. Oui, c'est 2013 que Hamilton est parti chez Mercedes. En Donc, ouais, 2012, c'est ça ça. allait, je crois. Oui, Chez McLaren, ça pouvait aller encore. oui. Il y a Oui, eu oui, quelques victoires, il me semble. oui. 2013, par contre, catastrophique, honteux. 2014, on n'en parle pas. Non. Et 2000, et 2015, faudra voir en deuxième partie de saison. Oui, voire peut-être la dernière course. Ouais, bah c'est possible, on sait pas, C'est mais possible. on leur souhaite que Non, ça mais vienne avant, surtout aux pilotes, parce que bon. tu sais, c'est comme Ferrari, hein. Ferrari, ils ont rien conçu de bien joli joli depuis bah, presque depuis aussi 2007, hein. Ouais, pareil, pareil, pareil. C'est pareil, hein. C'est alors on est enfin je on est en train de faire nos petites soupes là sur McLaren ou Ferrari C'est vrai, on va peut-être resserrer. Et non, mais c'est là où je voulais en venir, Ouais. Julien. C'est en fait, on parle quand même d'équipes qui arrivent à gagner. Problème, c'est que ce sont les deux plus grosses écuries, les plus capées de l'histoire de la Formule 1, hein, Ferrari comme d'ailleurs McLaren. C'est indécent de voir McLaren à ce niveau de performance en 2014. C'est pire que tout. Je suis désolé quand tu t'appelles McLaren. Que t'as un moteur Mercedes, que t'as un pilote comme Button, ou même Hamilton en 2012, je suis désolé, tu apportes une voiture, tu n'apportes pas une Lada. On n'est pas dans le championnat WTCC, quoi. Je Une suis désolé, on est. multiple, hein. Hein? Non, non. Non, mais je suis désolé. C'est quand même dingue de voir que, alors évidemment, ils ont perdu beaucoup de choses en 2007. Et je pense que c'est aussi pour ça que le circuit compétition chez McLaren a eu du mal à s'en remettre, même si effectivement les voitures suivantes n'ont pas été si mauvaises que ça. Mais je suis désolé. McLaren Mercedes, enfin McLaren, surtout McLaren, en fait. Pour moi, ça représente quand même une certaine idée de la victoire et de la compétition. Et c'est certainement pas une écurie qui doit se traîner presque, enfin, dernière des écuries clientes de chez Mercedes. Je suis désolé, C'est vrai, c'est c'est vrai. moi, ça me désole au plus haut point, comme j'ai pas du tout envie de voir Ferrari traîner derrière une Sauber. Pour moi, ça n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout de sens. La Formule 1 doit aussi garder ses gènes historiques, que ça soit avec Ferrari, McLaren, Williams ou d'autres, et ne pas essayer là, franchement, McLaren fait plus rien depuis 2007. Hein. Disons qu'il joue presque le milieu de tableau plutôt que d'essayer de jouer la gagne systématiquement. Alors que je suis sûr et certain, ils ont les cerveaux, ils ont les compétences, ils ont l'argent. Il faut bien le préciser, ils sont quand même financés par le Moyen-Orient notamment. Je crois que c'est Bahreïn hein, de mémoire. Voilà. Donc moi, je pense que 2007 a mis un gros coup de frein, a fait très mal à tout le monde. Je pense qu'Alonso, il est quand même reparti un peu la queue entre les jambes parce qu'il est reparti chez Renault. Hein, faut. C'est pas la même Renault. Hein, c'était pas tout à fait. Disons que il est quand même passé de la R26, qui était quand même une très très très bonne voiture, à la R28. Et là, par contre, la R28, elle était un tout petit peu plus lente que la moyenne. Mmh. Et c'est pareil pour la R29. Hein, la R29, là, il y a eu vraiment plus rien à en tirer. Mais du coup, ouais, t'as raison, parce que c'est vrai que ça fait du mal à tout le monde cette année 2007, parce que, enfin, ça fait du mal à tout le monde. Enfin, on va dire que Hamilton, il a remporté son titre en 2008, mais on a vraiment eu peut-être les conséquences de 2007 à partir de 2009. Ouais, et ouais. du coup, on peut dire que ben Alonso après, il a pas retrouvé de titre finalement, alors que si tout s'était bien passé chez McLaren, peut-être qu'il y aurait eu une collaboration un peu plus longue Ah oui, tout à avec fait. une équipe de folie. Mais bon, avec Desi, Oui. on referait le monde, ça c'est clair. Oui. Hamilton, il a retrouvé la joie d'un titre qu'en 2014. Comme 2014, ouais, Alors qu'il a été fidèle à McLaren tout le long, parce que c'était sa famille, hein, La faut famille, bien le hein, dire, comme hein, il Vettel, connaît. comme Vettel avec Red Bull, hein, C'est pareil, c'est pareil. ouais, c'est pareil, hein, donc voilà, moi je l'ai choisi ce duel surtout pour faire ce premier duel F1 parce que il était marquant en intensité. Malheureusement, je m'excuse par avance, si j'étais un tout petit peu flou sur les relations que pouvait avoir, c'est qu'il manque pas mal de documentation, mine de rien, sur internet. Allez vérifier, vous Oh ben. verrez pas grand chose sur. Alors en 2007, on a les généralités, ce qui s'est passé et ce que je vous ai raconté ce soir. Par contre, voilà, faut pas aller chercher trop loin, j'ai l'impression. Il y a eu cette histoire d'espionnage, de toute façon, qui a mis un gros coup d'arrêt, et je pense que voilà. Et puis, il y a peut-être des choses qui n'est pas bon de rappeler. Ou alors il y a surtout des choses qui n'ont pas été écrites à l'époque et du coup moi j'ai pas pu les retrouver. Donc voilà, Oh, et j'espère puis que après, de j'ai. toute façon, c'est pas grave les détails, parce que les détails, c'est quoi? C'est des déclarations via presse interposée, donc ça on s'en doute, hein. Oui, oui. C'est quoi? C'est des paroles lors d'échanges radio en Oui. piste, c'est Oui. ce genre de choses. Donc au Oui. pire, on a cité déjà quelques exemples, c'est déjà bien, il n'y a pas besoin de tout citer. Je Bon. pense que t'as assez bien expliqué, franchement, le déroulement de la saison 2007, et des Oui. tensions très vives et très très rapides qui sont nées entre les pilotes et aussi entre Alonso et son écurie. Ouais, avec en plus cette affaire d'espionnage. Donc oui, je pense que parmi les auditeurs, vous aurez bien compris l'histoire. N'hésitez pas à réagir, hein, sur les réseaux Oui, sociaux ou sur PodCloud pour donner votre avis à propos de tout ça. Mais je pense que c'est bon. En tout cas. Donc ne bah, t'inquiète c'est pas, parfait. Ghislain. Bah, je te remercie en tout cas. Ben, je te remercie d'avoir fait cette chronique. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Bah, moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis de raconter comme ça une histoire. Je sais que j'adore raconter les histoires, donc je m'en lasserai pas. Voilà. Ah ben, pas de souci, je me lasse pas de discuter de F1 avec toi en particulier. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le prochain duel F1, est-ce que tu Oui. sais Oui, sur oui, oui, quel oui, oui. duel va-t-il être consacré? Il Eh va être bien consacré. oui, évidemment, on va revenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en arrière, puisqu'on va évoquer le duel entre là qui. Pour le coup, un peu plus légendaire entre guillemets, puisqu'il avait même fait, il a même fait l'objet d'un film entre James Hunt et Niki Lauda. Donc du vroom vroom en perspective et surtout on revient quand même presque à la préhistoire de la Formule 1, puisque là on abandonne vraiment abandonner tout ce que vous connaissez Les Hamilton, Alonso, tout ça n'existait même pas, n'était même pas forcément né d'ailleurs. Non, Ou... Non, mais ils n'étaient pas nés. Non, non, non, même ils n'étaient pas pas. nés. Ils n'étaient pas nés. J'ai d'ailleurs parlé de Niki Lauda puisqu'il est directeur exécutif non exécutif, pardon, de Mercedes aujourd'hui. Mais on aura l'occasion de reparler de ces deux-là. Hunt, Lauda, c'est le sujet de mon prochain duel et fin. Voilà. Très bien, Justin, et donc ce sera le mois prochain si Ouais. Ouais, d'accord. si tout va bien, ouais, le mois prochain, on essaiera d'avoir quelque chose d'assez constant. Même si je me rends compte que j'ai écrit des émissions avant, mais sur d'autres sujets, c'est assez dur quand même hein, d'écrire sur le au long, avec surtout de retrouver de la documentation, des articles, ce genre de choses-là. C'est vrai que les internets sont pas forcément très fournis sur ces sujets-là, donc c'est vrai que c'est assez un travail assez éprouvant, mais bon, en s'organisant bien, c'est que du plaisir, voilà. Bon, bah tant mieux en tout cas. Eh bien, merci à toi, Ghislain. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à le partager également parce que c'est important également. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. En attendant, vivons notre passion. À bientôt. Salut.